le plus sérieux que l'humanité peut entendre. C'est pas juste pour dire, pas pour exagérer. On n'exagère pas en disant que c'est le thème le plus sérieux. Parce que c'est un thème qui concerne l'éternité. C'est un thème qui concerne après la mort. Et je prendrai pas beaucoup de temps ce matin pour dire qu'est-ce que les gens pensent et qu'est-ce que les gens disent de l'enfer. Je vais prendre quelques instants parce que ceux qui ont vu le petit feuillet d'invitation, il y avait une invitation qui disait « Venez entendre celui qui en a parlé le premier. » Et c'est lui que nous voulons entendre, c'est-à-dire Dieu. Mais quand même, cette expression-là, c'est l'enfer, c'est une expression qu'on entend souvent, et des fois, même dans nos coulisses, on entend ça. Et ça vient à banaliser un thème que Dieu, lui, ne banalise pas. Et il y a un homme même qui... vous savez, quand on parle de l'enfer, on n'a pas le choix de parler aussi du diable. Et on n'a pas le choix de parler de Dieu si on veut être cohérent. Et il y a un homme qui était en entrevue dernièrement. Vous connaissez peut-être Jacques, pas dernièrement, je l'ai vu sur Internet dernièrement. Albert Jacquard, qui est un généticien, quelque chose comme ça, et qui a écrit un livre, plusieurs livres, dont un qui dénonce un peu, qui dénonce Dieu, dans le fond. Et puis, on lui posait la question dans l'entrevue par rapport au mal, par rapport au diable, et puis lui, il a dit, ça vaut même pas la peine d'en parler. C'est la foutaise que les hommes ont inventée. Donc, moi, je veux pas en parler. C'est pour dire que aujourd'hui, quand on parle d'enfer, on a des vieilles images moyenâgeuses, médiévales, beaucoup de photos, de peintres, de peintures, des belles peintures qui évoquent plein de choses, mais qui ont marqué le monde avec des images légendaires, avec du théâtre plus, des images qui sont plus théâtrales que ce que la parole de Dieu dit. Bien que plusieurs ont été sincères dans ces gravures, dans ces dessins, ça ne donne pas toujours une idée juste de ce que le Seigneur dit. Et peut-être même au moment où j'en parle, vous avez des images en tête. Ce que j'aimerais regarder, faire avec vous ce matin, c'est regarder premièrement la réalité de l'enfer. Donc, c'est sûr qu'on prend pour acquis que l'enfer, c'est réel, parce que Dieu en parle. On veut regarder aussi le fait que c'est un lieu. Donc, on affirme des choses, là. La réalité de l'enfer est un lieu. Et on veut voir aussi ce qu'expérimentent les gens, ceux qui s'y retrouveront, ceux qui iront là. Par la grâce de Dieu, on va essayer de toucher à tout ça. Sur 169, et c'est pas moi qui ai fait le calcul, là, je me réfère à quelqu'un, un commentateur, 169 références à l'enfer, au moins 70 références à l'enfer sont directement annoncées par le Seigneur Jésus lui-même. Donc, c'est juste pour dire que c'est pas un sujet secondaire, mais c'est un sujet de première importance. En démontrant la réalité de l'enfer, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'enfer, il est vrai. Mais avant d'aller plus loin, dans la plupart de vos Bibles, personne n'a vu le mot « enfer ». Dans la plupart de vos Bibles, là, vous n'avez même pas vu ce mot-là, « enfer ». Peut-être si vous avez une traduction plus récente, ou si vous avez une traduction anglaise, King James, vous avez le mot hell, hell, enfer. Et si vous avez la seconde 21, le mot enfer est dedans. Pour les autres, il me semble que je ne les ai pas vus. Ça ne veut pas dire que l'enfer n'existe pas, pour autant. C'est que le mot qui traduit, dont on parle, dont le monde parle depuis des centaines et quelques milliers d'années maintenant, Jésus s'y réfère en parlant de la géhenne, plus précisément, entre autres, dans les évangiles. Et j'aimerais vous mentionner quelques références du Seigneur. Il dit, dans l'évangile de Matthieu, mais moi, je vous dis, Matthieu chapitre 5, il y a trois références à la géhenne dans Matthieu chapitre 5, versets 22, 29 et 30. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Verset 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Verset 30. « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Plusieurs autres endroits aussi. Dans Matthieu, si vous allez au verset 33 du chapitre 23, le Seigneur s'adresse à des pharisiens. « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? » Donc, il y a plusieurs autres références, mais le mot « géhenne », je m'arrête quelques instants dessus. Vous avez sûrement déjà, pour certains d'entre vous, lu certaines choses qui sont dites. Il y a beaucoup d'entre elles qui sont hypothétiques, mais je vous le dis quelques faits seulement qu'on retrouve entre autres dans la parole de Dieu. Géhenne, hébreu, Gehinnom, vallée de Hinnom. Et puis, on a des références dans Jérémie. On a des références comme quoi c'est une vallée où les Israélites se sont pervertis, donc se sont détournés de Dieu, et non seulement se sont détournés de Dieu, mais sont mis même à brûler, offrir des enfants en sacrifice pour un faux dieu qui s'appelle Moloch. Et ça, ce sont des choses qu'on voit. Et ce que les commentateurs, entre autres, nous disent, et ce qu'on voit dans la parole de Dieu, et ce qu'on peut déduire, c'est que c'était vraiment un lieu physique, la géhenne, où il y avait les immondices, où on brûlait des déchets, et où il y a eu de l'idolâtrie, je vais utiliser le mot, il est juste pour Dieu, abominable, qui ont été faites dans ce lieu. Et semble-t-il, et c'est pas une certitude, mais semble-t-il que constamment le feu brûlait dans ce lieu-là. Donc, maintenant, si le Seigneur utilise ce mot-là, géhenne, et utilise le mot géhenne volontairement avec ayant en tête une illustration terrestre de la réalité, disons-nous et dites-vous que l'illustration, ce qui sert de comparable, de comparatif, ce qui est juste la leçon d'objet de la réalité, est toujours, la réalité est toujours pire, toujours plus extraordinaire, plus grandiose que la leçon d'objet elle-même, qui veut juste nous faire comprendre quelque chose. J'espère que ça a été clair relativement. Donc, l'aspect de la géhenne, je vous donnerai ceux qui veulent des références, je pourrais vous les donner. Maintenant, Jésus parle de la géhenne, parle de l'enfer. On va se tenir au mot enfer, d'accord? Il y a d'autres aspects qui nous montrent que c'est un lieu aussi. Dans la parole de Dieu, on parle, Marc 9, 44, dans le même contexte que tout à l'heure dans Matthieu 5, si vaut mieux pour toi d'avoir les deux mains, non. C'est pire pour toi d'avoir les deux mains, d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Marc 9, 44. On va revenir sur ce que Jésus dit plus tard pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment coller ça dans notre vie, l'appliquer à notre vie. Marc 9, 44. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Ailleurs, dans Apocalypse, on voit aussi l'enfer qui est décrit. Et le Seigneur l'appelle l'étang de feu. Peut-être même, dans d'autres traductions, peut-être le lac de feu. Il y a du feu. C'est un étang de feu. Dieu l'appelle comme ça. Donc, aujourd'hui, tout est banalisé. Ce que Dieu dit est banalisé complètement. On diminue ce que Dieu dit, on bafoue ce que Dieu dit, on se moque de l'enfer, il y a des choses absolument ridicules qui sont dites. Il n'y a pas de belles femmes en enfer, il n'y a pas d'alcool en enfer, il n'y a pas de belle musique. Regarde, il n'y en a pas de ces choses-là. On va voir tantôt ce qu'il y a, par exemple. On va le voir. Mais on rit de ce que Dieu dit. Et vous savez que quand on parle d'enfer, on n'a pas le choix de parler de jugement. Il y a un jugement, et ça encore, c'est rendu tellement cliché. On parle de jugement dernier. Et on l'invente de tellement de manières. Mais il y a un jugement qui est réservé. Et on va voir pour qui dans quelques instants. Mais vous savez que dès la Genèse, on le voit pas dans Genèse, mais la parole de Dieu nous apprend ça dans le livre, si je ne me trompe pas, de 2 Pierre et dans Jude, que Enoch lui-même déjà prophétisait et parlait du jugement à venir que Dieu réservait. Ça fait longtemps, là. Donc, l'enfer, si on va regarder avec moi Apocalypse au chapitre 20, Apocalypse 20, entre autres. Et puis, vous voyez, versets 14 et 15. Il est écrit, « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » L'enfer, c'est vrai, et l'enfer, il est un lieu. La géhenne de feu, l'étang de feu, c'est ce que on a appelé l'enfer. D'autres passages dans Apocalypse aussi, où Dieu parle, Apocalypse 19, verset 20, il est écrit... Je vais juste citer la phrase. Si nécessaire, on regardera le contexte plus tard, mais juste faire valoir certains points. Ils furent tous les deux jetés vivants, en parlant de la bête et du faux prophète, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Là, ça nous amène à une autre question et peut-être même une autre déclaration d'un fond qu'on va faire par la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 25. Regardez bien. Il y a quelque chose que Jésus-Christ lui-même nous apprend dans Matthieu au chapitre 25, c'est que oui, l'enfer, il est un lieu que Jésus lui-même appelle la géhenne, l'étang de feu. Et non seulement il est un lieu, mais il est un lieu bien précis, c'est-à-dire qui a été préparé pour quelqu'un en particulier. Regardez Matthieu 25 au verset 41. Encore une fois, on regardera le contexte plus tard au besoin. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu dit ici que cet étang de feu, le feu éternel, il a été préparé originalement pour le diable et pour ses anges. Et je bénis Dieu pour cette parole parce que c'est incontestable, Dieu le dit. Le feu éternel est préparé pour le diable et pour ses anges. Et les premiers qui vont se retrouver dans les temps de feu, pour ceux qui sont plus familiers avec l'Apocalypse, et on le lit tantôt, Apocalypse 19, 20, vous avez la référence, c'est le faux prophète et la bête. C'est les deux premiers qui se retrouvent dans les temps de feu. Ensuite, c'est Satan. Et vous savez qui est ensuite? Qui a dit quelque chose? Mais je pense pour acquis qu'ils seront avec Satan. Mais il va y avoir des humains, là. C'est surtout pour ça que c'est important d'en parler. Parce qu'il va y avoir des humains. Il va y avoir des hommes et des femmes qui vont se trouver là, dans ce feu éternel-là. Et Dieu dit que ce feu éternel-là, il avait été préparé à l'origine pour le diable et pour ses anges. Vous savez combien Dieu, il aime les hommes et les femmes qu'il a créés? C'est un lieu qui est réel, Jésus en parle. Non seulement c'est un lieu qui est réel, mais le temps passé dans ce lieu, il n'a pas de fin. C'est un jugement. Quand Dieu dit très tôt à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand on arrive dans l'Apocalypse, cette mort-là qui est entrée dans le monde à cause du péché, les temps de feu, la parole de Dieu nous dit que ça, c'est la seconde mort. Et quand on pense à la mort, il faut certainement pas penser au fait de cesser d'exister, parce que ça, c'est faux. La mort, c'est pas cesser d'exister. C'est pas ce que la parole de Dieu nous apprend. La mort, c'est un état d'existence. Et non seulement un état d'existence, mais un état d'existence qui est absolument angoissant et terrible et qui est éternel. Donc, pour ceux qui doutent, qui luttent un peu avec le jugement éternel, la parole de Dieu nous dit que c'est un jugement éternel. Jésus l'a dit tantôt de Matthieu 25, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qu'est-ce que les gens qui se retrouveront là, en enfer, vont expérimenter? La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu, chapitre 8, et 13, chapitre 8 au verset 12. Il écrit que, ici, Jésus s'adresse particulièrement à des Juifs, mais non exclusivement, parce que la parole de Dieu nous est parvenue aussi. Il dit, « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Une autre façon d'appeler l'enfer, Jésus parle des ténèbres du dehors, l'obscurité du dehors. Un lieu où c'est ténébreux, où c'est la noirceur. Et le Seigneur dit ici, qui seront jetés dans les ténèbres du dehors et où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Une autre façon d'appeler, comment les Écritures appellent l'enfer, c'est dehors. Dehors. Ça, c'est l'enfer. Et j'aime ce que Christian partageait quand on échangeait ensemble. L'enfer nous parle aussi, il y a cette idée-là d'être enfermé. Et c'est juste. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, je vais vous aider pour les autres. Jésus donne une parabole en parlant de 10 vierges, 5 sages et 5 folles. 5 sages qui attendaient l'époux et 5 folles qui attendaient aussi l'époux. 5 sages qui étaient préparés, qui, dans la parabole, avaient de l'huile dans leur lanterne, si je ne me trompe pas. Et les 5 autres qui n'avaient pas d'huile dans leur lanterne. Et le jour où l'époux est arrivé, il y en a 5 que la parabole nous appelle, dit qu'ils sont folles. Elles ont voulu rentrer, et c'est dans Matthieu 25, si je ne me trompe pas. Et regardez bien ce que le Seigneur dit, c'est Matthieu 25 au verset 11. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Ça nous amène à une question. Est-ce que je, moi, tu, vous, êtes-vous connu de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes connu de lui? Jésus dit, je vous connais pas. Et Matthieu 8, 12, c'est écrit les ténèbres du dehors. Dehors de quoi? En dehors du royaume de Dieu. Donc, quand on est familier avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit dans la Bible, on voit qu'il y a 2 destinations dans la fin. Et on est vraiment à la fin du livre de la Bible, l'Apocalypse. Il y a les temps de feu, et il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il n'y a pas d'autre option. Ça, c'est la consommation finale. Ça, c'est la finalité de toute chose. Les temps de feu et les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et Dieu dit en sa parole que les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est là où la justice va habiter. Pensez un instant à les temps de feu, qu'est-ce qui va habiter là? Si Satan et ses anges sont là, les pleurs et les grincements de dents dont Jésus parle, ça c'est ce que vont expérimenter les gens qui vont entendre le Seigneur dire « Dehors, je te connais pas. » Regardez dans Luc 13, c'est ce que Jésus dit. Luc 13, verset 23, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de maison sera levé, et le maître va se lever. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra en disant, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Regardez les 2 petits mots qui viennent après, là. C'est là. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Et ce qui est pire encore, ce qui accompagne ces pleurs et ces grincements de dents-là, pourquoi ils sont générés, pourquoi ils sont... C'est ce qui vient spontanément. 2 choses. Parce que le Seigneur dit « dehors ». je vous connais pas. Vous faites, vous, éloignez-vous de moi. Et non seulement ça, mais ces gens qui vont entendre ces paroles-là vont voir Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui prendront part au royaume de Dieu, ils vont voir, mais ils ne prendront pas part. Ils vont voir ce qu'ils sont en train de manquer. Ils vont voir ce qu'ils ont manqué. Et ça, tout de suite, ça va faire des pleurs puis des grincements de dents. Il va y avoir une angoisse terrible dans le cœur de ceux qui vont entendre Jésus dire « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Les pleurs et les grincements de dents, c'est l'effet des remords que ceux qui vont entendre le Seigneur dire « Éloignez-vous de moi. » C'est l'effet des remords que ces gens auront pour toujours. Des remords de quoi? Des remords d'avoir refusé de croire Dieu. Des remords d'avoir rejeté Dieu toute leur vie. Des remords d'avoir voulu mettre leur confiance en eux-mêmes. Mais vraiment, c'est des remords d'avoir refusé de croire Dieu et Christ, Jésus-Christ. Mais le vrai remords vient au jour où toute ma vie, je me suis moqué de lui, je me suis dit qu'il n'existe pas, j'ai fait des clips pour se moquer de lui, j'étais de ceux qui ont blasphémé son nom, nom de Jésus, j'ai dit des jokes perverses à son égard, j'ai fait des stupidités contre lui toute ma vie, j'ai attribué peut-être même au diable ce que Jésus fait, et le jour arrive et je vois Jésus, non pas un petit enfant dans une crèche, non pas quelqu'un sur une croix, non pas un homme en vêtements simples, mais je vois quelqu'un dans son éclatante blancheur de roi, dans toute sa gloire, et qui me dit à moi, je ne te connais pas, retire-toi de moi. Ce jour-là, il y a des remords dans le cœur de la personne. Et ce qui est terrible, Jésus dit, il parle de châtiment éternel. C'est des remords qui n'ont pas de fin. Regardez Daniel, le livre de Daniel, chapitre 12, verset 2. Daniel 12, verset 2, est écrit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, l'abjection éternelle. » Vous savez ce que Jésus a dit quelque part dans les Évangiles? Il a dit « Celui qui aura honte de moi, il dit, quiconque me confessera devant les hommes, quiconque déclarera qui je suis devant les hommes, je vais le confesser. Je vais confesser son nom devant mon Père. Mais celui qui aura honte de moi au milieu de cette génération-là, moi aussi je vais avoir honte de lui devant mon Père et devant les anges. La honte que la personne va éprouver en entendant Jésus dire « Je ne te connais pas, éloigne-toi de moi », c'est une honte éternelle. Et la parole de Dieu nous dit que c'est une abjection éternelle. Abjection, ça fait penser à quelque chose de répugnant, ça fait penser à quelque chose de détestable, quelque chose de Il y a une idée de pourriture même avec ça, tu sais. Mais une abjection. Et vous savez que Jésus, sur la croix, il a vécu, ça dit dans la parole de Dieu, qu'il a méprisé la honte. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Il dit qu'il a méprisé la honte. Et dans le psaume 22, il dit, « Je suis un ver et non un homme. » Et il parle des moqueries de ceux qui se sont moqués de lui alors qu'il était sur la croix. Et on voit aussi ce que Jésus a souffert sur la croix quand il a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et quand la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est écrit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est que Jésus, il a porté le châtiment éternel que tous nous méritons. Et la honte que Jésus a vécue sur la croix, ces heures de honte-là, de la part des pécheurs, des hommes, des femmes qui étaient là, qui se moquaient de lui, cette honte-là, celui qui se retrouve en enfer, il va la vivre pour l'éternité. Vaut mieux être insulté et méprisé aujourd'hui, pendant que je suis vivant sur cette terre, parce que je dis que je me prononce pour Jésus-Christ, parce que j'ai choisi de suivre Jésus, que d'être méprisé et honteux pour toujours. Un point de non-retour pour l'éternité. Et sachant dans mon cœur, parce que l'inconscience, là, c'est une fausse doctrine. Les gens sont conscients que ce soit avec Dieu ou sans Dieu. Parce que des pleurs et des grincements dedans, là, quelqu'un qui dort, il ne peut pas pleurer, puis grincer des dents, puis crier, puis angoisser, puis avoir honte. Il y a une conscience éternelle. J'aimerais lire avec vous Apocalypse 21, verset 8. Et on va y revenir après ça. Juste un aperçu avant de poursuivre. À qui l'étang ardent de feu et de soufre est réservé? Il écrit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Rappelez-vous de ces paroles, on y revient dans quelques instants. Tantôt, on a vu que Jésus a dit dans Matthieu et dans Marc, entre autres, que si ta main droite est une occasion de chute pour toi, j'y vais, Marc 9. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Il dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Jésus dit des paroles très, très, très, très, très, très sévère. Très solennel. Si je veux paraphraser et résumer ce que le Seigneur dit, il dit, regarde, tu pêches avec ta main. Il dit, tu pêches avec ton pied. Il dit, tu pêches avec ton œil. Il dit, si tu fais rien pour en finir avec le péché, si tu refuses d'agir et de faire quelque chose, si il n'y a rien qui se passe dans ta vie pour que tu sois pardonné complètement de tes péchés, Jésus dit, tu iras dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Dieu veut que tu entres dans la vie. C'est ça qu'il dit. C'est pour ça qu'il va tellement loin. Il dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Parce que c'est mieux pour toi d'entrer sans main, pas de main, dans la vie, dans le royaume de Dieu, que d'entrer avec tout ton corps entier dans les temps de feu. Jésus parlait de façon forte. C'est un avertissement solennel, extrêmement sérieux que le Seigneur donne, te donne pour ton bien. Ce qu'il dit, il dit, il faut que tu en finisses avec le péché. C'est ça que Dieu dit. Il faut que tu en finisses avec le péché. Implore le Seigneur Jésus-Christ. Fais appel à lui. La parole de Dieu dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le Seigneur, il a un nom. Et c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Le Seigneur y a créé le ciel et la terre. Le reste, c'est des idoles. Jésus dit, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et ce que expérimentent les gens, donc, en enfer, on l'a vu tantôt, c'est les ténèbres, l'obscurité. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un endroit, je pense que c'est dans Exode, si je ne me trompe pas, où Dieu a envoyé des plaies, et une de ces plaies-là, un de ces jugements-là sur le pays d'Égypte, c'était une noirceur qui était palpable. Alors, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est une noirceur palpable, mais c'est noir au point où je peux toucher la noirceur. Et Dieu dit les ténèbres du dehors pour l'éternité. Donc, s'il a pu le faire juste dans une partie de la terre en Égypte, alors c'est sûr que pour l'éternité, là, c'est quelque chose qui est vrai, qui attend vraiment celui ou celle qui va être dehors du royaume de Dieu, de la vie. D'autres effet, il y a des lamentations éternelles, des pleurs, des grincements de dents, là où il y aura des lamentations et des grincements de dents. Ailleurs, dans 2 Thessaloniciens, il est écrit que le Seigneur Jésus, 2 Thessaloniciens 1, versets 7 à 10, il est écrit, le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Peut-être que pour certains, ça n'a pas l'air terrible, ça, être loin de la face du Seigneur, là. Mais si on, tant que le cœur humain aspire, à cause qu'il a été créé à l'image de Dieu, il aspire à l'amour, à la paix, à la joie, c'est pour ça qu'il y a des mouvements humanistes qui marchent dans le monde. Ça, c'est quelque chose qui reste de Dieu dans l'homme, mais sans Dieu, l'homme n'arrive pas à l'accomplir pleinement, à le vivre vraiment. Mais imaginez, où Dieu est retiré, où Dieu est absent. Si lui est la source de l'amour, de la joie, de la paix, où Dieu est absent, c'est terrifiant. Puis Dieu, il est la lumière. Où il y a l'absence de Dieu, je comprends pourquoi la parole de Dieu nous dit que c'est une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Et ça va être une vraie ruine à cause de ce qu'on a vu tantôt. Quand tu vas voir de tes yeux, Jésus, et qu'il va dire? Il va tourner son visage, peut-être. Et en même temps, on pourrait se dire, pourquoi quelqu'un, parce que quelqu'un pourrait se dire dans son cœur maintenant, on se parle, mais c'est injuste. Mais pourquoi est-ce que Quelqu'un qui aurait refusé Dieu toute sa vie se plairait à passer l'éternité avec lui. Pourquoi est-ce que tu voudrais passer l'éternité avec Dieu alors que toute ta vie, tu l'aurais rejeté? Qu'est-ce que ça donne? Regarde, tu l'as rejeté maintenant. Après, c'est ce qui va arriver. C'est la même chose. L'enfer, c'est tout simplement un endroit cruel, horrible et misérable pour ceux qui vont y souffrir. Tu sais, en tant qu'humain, on travaille fort durant cette vie pour avancer dans la vie, pour s'améliorer, on étudie, on fait des projets. Et même dans des grands malheurs, souvent, on a espoir qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent. Même s'il y a de la mortalité, même si je souffre, on a espoir de quelque chose tant que je suis en vie. Un chèque qui va rentrer quelque part, un cadeau, une naissance, un mariage, une maison. Mais dans ce lieu, les temps de feu, la gêne, dans ce lieu qu'on appelle l'enfer, il n'y a plus d'espoir. Notre vie est entière dominée par la honte, par les remords. Tout est imprégné de désespoir. C'est ça l'héritage de ceux qui rejettent le Seigneur et de ceux qui professent le Seigneur, soi-disant, et qui ne lui appartiennent pas. Parce qu'il y a des gens qui se font croire à eux-mêmes qui sont des enfants de Dieu. Peut-être parce qu'on leur a dit, parce qu'ils font des bonnes choses peut-être aussi, et qu'ils se voient justes. Ça, c'est terrible. Je pense que ça, c'est pire que pire. Les gens qui arrivent devant Jésus, on a vu l'exemple tantôt, et qui vont dire, Seigneur, Seigneur, on t'a vu dans notre rue. On t'a vu marcher, on a vu tes sandales fouler le pied de notre rue. On t'a vu faire les miracles, Seigneur, on a mangé avec toi, avec les pharisiens. Ben, j'étais dans la gang, Seigneur, j'étais à l'église à tous les dimanches. J'étais là. J'étais à tous les agapes. Mais où étais-tu vraiment? Où est ton cœur vraiment? Il n'y a aucune présence de Dieu dans cet endroit, donc c'est la peur à supporter, c'est les tourments, c'est la noirceur. Une noirceur inimaginable. Il y a des cris. Il y a quelqu'un qui a visité une prison, quelqu'un que je ne connais pas, qui a fait un reportage. Il s'appelle Ted Koppel. K-O-P-P-E-L. Et il a visité une prison, quelques prisons du pays. Je crois que c'est aux États-Unis. Puis il a même passé une nuit dans une prison. Et lui, il était frappé. Il ne pouvait pas croire que ce soit aussi bruyant dans une prison. Ce qu'il a vécu, c'était que c'était bruyant. Puis même, il était incapable de dormir. Puis tout le monde criait dans la prison. Il n'y revenait pas. Ça, c'est juste une prison terrestre, là. Puis d'entendre ces prisonniers-là crier, gémir toute la nuit, c'est la profondément choqué. Dans le sens de ébranlé. Il n'y a pas de vie en enfer. C'est si étrange d'être dans un monde où il n'y a pas de vie, parce qu'on n'est pas capable d'imaginer ça. Et quand je dis de vie, il n'y a pas de, belles fleurs qui sentent bon. Il n'y a pas de, belles brises. C'est ça que je veux dire quand je vais faire des références à la vie, là. Il n'y a pas de vie. Tout est ténébreux. C'est des pleurs, des grincements de dents. Il n'y a pas Dieu. C'est la honte. Et à cause du péché, et on va y revenir à cause du péché. Il n'y a pas de tranquillité d'esprit dans ce lieu-là. Ici, on peut soupirer à une tranquillité d'esprit, de quelque manière, mais il n'y en a pas de tranquillité d'esprit. Dieu, il n'est pas là. Si on peut s'imaginer, des fois, une journée difficile au travail, puis j'ai hâte d'arriver à la maison pour enlever mes beaux habits, m'enfiler des, je sais pas, coton ouaté, m'écraser avec, je sais pas, relaxer, peu importe, là, à la fin de la journée. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans cet endroit. Dieu dit dans Ésaïe 57, 21, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Et on apprend aussi que c'est un lieu où on est extrêmement tourmenté. Il y a une histoire que Jésus parle, que Jésus nous donne dans Luc 16. Et on voit que il y a un homme qui, en quittant ce monde, et c'est ce qu'il faut voir, on ne va pas regarder ça en profondeur aujourd'hui, ça sera pour une autre fois, mais Luc chapitre 16. Luc 16, et il y a cet homme-là qui est riche, et il y a Lazare, et ce riche-là, forcément, n'a pas cru Dieu. Et puis, tout de suite, il se trouve dans un lieu qui s'appelle le séjour des morts. Et on ne pourra pas élaborer beaucoup dessus. Mais je peux vous dire, Apocalypse nous dit que le séjour des morts va être jeté dans les temps de feu. Cet homme-là, donc le riche, est écrit au verset 23, 16-23, dans Luc, « Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment. » C'est-à-dire qu'il était tourmenté, il était angoissé. Et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Ça nous montre ici une preuve incontestable que la personne, elle est consciente. Et ici, là, il n'est pas encore même dans la finalité. Si je comprends la parole de Dieu. Parce que le séjour des morts, il va être envoyé dans les temps de feu. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a rejeté vraiment le Seigneur, qui a rejeté Dieu, qui a refusé de croire Dieu, la parole de Dieu, comment je crois Dieu? Je crois la parole de Dieu. Ce que Dieu dit. Et qui refuse de croire Dieu. En mourant, dès aujourd'hui, il se retrouve dans un lieu de tourment. Pas demain, pas dans 1000 ans, dès aujourd'hui. Et pareil pour celui qui a vraiment cru Dieu et cru Jésus-Christ. Il se retrouve dans un lieu en présence du Seigneur. Et encore là, c'est pas la finalité, c'est pas la fin, mais en mourant, déjà, il y a cette distinction-là entre celui qui a cru Dieu et Jésus-Christ et celui qui n'a pas cru Dieu et Jésus-Christ. Et c'est terrible. Voir ce qu'on a manqué. Et j'aimerais parler un instant aussi de plus en détail à qui sont ceux qui se trouvent, qui peuvent se trouver là, je dirais. Qui sont ceux-là? À qui ça s'adresse? Regardez Romains au chapitre 3. Il me semble que la pire, une des choses en tout cas, une des pires, peut-être pire que les tourments, je dis bien, peut-être, c'est de comprendre puis de réaliser qu'il n'y a aucun espoir de quitter cet endroit-là. J'ai dit Romains 3, hein? Romains 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Est-ce que je parle de ces choses en disant « Je suis parvenu, je suis supérieur à chacun de vous? » Non. Sommes-nous supérieurs? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, écoutez le cœur de Dieu ici. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperies avec leur langue. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et Dieu dit dans sa parole que c'est tous ça, c'est tous et chacun, tout être humain. Et il ne veut pas laisser aucun être humain dans cet état-là. Il dit dans sa parole, il ne veut qu'aucun périsse. Il dit qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce qu'il y a un seul Dieu, puis il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ, homme, qui a payé la rançon pour tous. Donc, ça veut dire que chaque être humain, quel que soit son âge, est un pécheur. Et que le salaire du péché, Dieu dit que c'est la mort. Et la mort, là, si on veut vraiment la comprendre, là, c'est les temps de feu, éternellement, dans les temps de feu. Et vous ne voulez pas être là avec Satan et ses anges, loin de Dieu. Il n'y a personne qui veut vivre ça. Le jour où le Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous dira, ou vous dira, si vous demeurez dans l'état où vous êtes, je vous ai jamais connu, je te connais pas. Autrement dit, il n'y a rien entre nous. Il n'y a pas de relation entre nous. Il n'y a rien entre nous. Ce jour-là, la honte vous frappera. La honte va être au rendez-vous. Le jour où le roi va dire de sa bouche, parce que Jésus, c'est le roi. Il est le roi. Il va dire, retirez-vous de moi, maudit. Quelle parole sévère et grave à d'entendre le maître de dire maudit. Et nous, on se garde de dire ce mot-là. Vous ne voulez pas entendre ça, ces paroles-là de la part du Seigneur. Jésus, il est doux et humble de cœur, mais il est aussi le roi de l'univers qui est assis sur son trône. Et c'est lui qui a le dernier mot. Il aura le dernier mot. Peu importe, là, c'est pas un homme qui va avoir le dernier mot, c'est pas le plus riche, c'est pas le plus grand de ce monde, c'est pas le plus charismatique des hommes de cette terre qui va avoir le dernier mot, c'est pas le plus rassembleur qui va avoir le dernier mot, c'est Jésus-Christ qui va avoir le dernier mot. Il va avoir le dernier mot. Je sais que mon Rédempteur est vivant, dit la parole de Dieu, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc, on plaisante pas avec le sujet de l'enfer, parce que c'est un sujet avec lequel Jésus n'a pas plaisanté. Et la solution, il y a l'issue. L'issue, c'est le Seigneur lui-même. Et quand on saisit ce qu'on vient de voir en bref ce matin, on peut comprendre maintenant à quel point c'était important que Jésus meure sur la croix. Qu'il fallait quelqu'un qui paye la rançon parce que Dieu dit que le péché nous a endettés. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus devait mourir sur la croix pour payer la rançon. Il dit quelque part dans les psaumes que la rançon, le prix de leur âme est trop cher et la rançon n'aura pas lieu. Ça prend quelqu'un pour payer la rançon. Et la question, c'est que est-ce que je veux être délivré et entrer dans la vie, dans la vraie vie avec le Seigneur? Et il faut que je me pose la question, est-ce que je suis sûr, le jour où je meurs aujourd'hui, est-ce que je suis certain que j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je suis sûr d'avoir la vie éternelle, d'aller au paradis avec lui? Est-ce que je suis sûr de ça? Si la réponse est non, ou peut-être, écoutez, parlez-en à quelqu'un aujourd'hui, s'il vous plaît. Dieu dit, il y a de salut, il y a de délivrance en aucun autre, parce qu'il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Et il dit, quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Parce qu'il est riche pour tous les hommes qui font appel à lui. Il est généreux pour tous ceux qui font appel à lui.